Chapitre 8e, vers le nord. L'après-midi de cette journée fut consacré au repos. Il y avait lieu d'ailleurs de faire quelques préparatifs en vue de la navigation à travers les lacs, ce dont le scout s'occupa sans tarder. En vérité, pour eux-mêmes et pour leurs compagnes de voyage, Sam Eskim et Ben Radle ne pouvaient que s'applaudir d'avoir traité avec cet homme si prudent et si entendu. C'était à l'extrémité du lac Lindemann, dans un campement déjà encombré par un millier de voyageurs, que se trouvait le matériel de Bill Stell. Il avait là, au revers d'une colline, son installation principale. L'établissement comprenait une maisonnette en bois divisée en plusieurs chambres bien closes, à laquelle la tenaient les hangars enfermant les traîneaux et autres véhicules de transport. En arrière étaient disposés des étables et des chenils pour les animaux d'attelage. Déjà, le Chilkoot commençait à être plus fréquenté que la White Pass, bien que celle-ci aboutît directement au lac Bennett, en évitant la traversée du lac Lindemann. Sur ce dernier lac, soit qu'il fût solidifié par le froid, soit que ses eaux fussent dégagées des glaces, le transport du personnel et du matériel des mineurs s'effectuait dans des conditions meilleures qu'à la surface des longues plaines et à travers les épais massifs séparant la White Pass de la rive sud du lac Bennett. La station choisie par le scout devenait donc de plus en plus importante. Aussi faisait-il de bonnes affaires et assurément plus sûr que l'exploitation des gisements du Klondike. Bill Stell n'était pas seul d'ailleurs à exercer ce profitable métier. Les concurrents ne lui manquaient pas, soit à cette station du lac Lindemann, soit à celle du lac Bennett. On peut même dire que ces entrepreneurs, d'origine canadienne ou américaine, ne suffisaient pas au milieu des migrants qui affluaient à cette époque de l'année. Il est vrai qu'un grand nombre de ces émigrants ne s'adressent ni aux scouts ni à ses collègues, et ceux-là par raison d'économie. Mais ceux-là sont alors forcés d'amener leur matériel du Piscataway, de charger sur leurs traîneaux des bateaux démontables en bois ou en tôle, et l'on a vu quelles difficultés ils éprouvent pour traverser, avec ces lourds impedimenta, la chaîne du Chilkoot. Elles ne sont pas moins grandes par la White Pass, et par l'un comme par l'autre chemin, une bonne partie de ce matériel reste en détresse. Il en est cependant qui, pour éviter soit l'embarras, soit la dépense du transport des bateaux, aiment mieux les faire construire sur place ou les construire eux-mêmes. En cette région boisée, les matériaux ne manquent pas, et déjà quelques chantiers existent, quelques scieries fonctionnent autour de la station du lac Lindemann. À l'arrivée de la caravane, Bill Stell fut reçu par son personnel, quelques hommes qu'il employait comme pilote pour conduire les bateaux de lac en lac jusqu'au cours du Yukon. On pouvait se fier à leur habileté. Ils connaissaient les nécessités de cette navigation difficile. La température étant assez basse, Sam Eskim, Ben Radle et leurs compagnes furent très satisfaits de prendre logement dans la maison du scout, dont les meilleures chambres étaient à leur disposition. Bientôt, ils étaient tous réunis dans la salle commune où régnait une agréable chaleur. « Ouf !» dit Sam Eskim en s'asseyant. « Le plus fort est fait. »« dit Bill Stell. Comme fatigue, oui, peut-être, et encore. N'empêche qu'il nous reste plusieurs centaines de lieues à parcourir pour atteindre le Klondike. Je le sais, mon brave Bill, répondit Sam Eskim, mais je pense que cette seconde partie du voyage s'effectuera sans danger ni fatigue. En quoi vous avez tort, monsieur Skim, répondit le scout. Cependant, nous n'aurons plus qu'à nous abandonner au courant des lacs, des rivières et des fleuves. Il en serait ainsi si la saison d'hiver était terminée. Malheureusement, la débâcle n'est pas commencée. Lorsqu'elle se produira, notre bateau sera très exposé au milieu des glaçons en dérive, et plus d'une fois, nous serons obligés à des portages pénibles. Décidément, s'écria Sam Eskim, il reste quelque chose à faire pour que le tourisme soit confortable dans cet infect pays. Cela viendra, affirma Ben Radle, puisqu'il est question d'établir un railway. 2000 hommes vont être incessamment employés à ce travail par l'ingénieur Hawkins. Bon, s'écria Sam Eskim, j'espère bien être revenu auparavant. Ne tenons donc aucun compte de ce railway hypothétique et examinons, si vous le voulez bien, notre itinéraire tel qu'il faut le suivre actuellement. Faisant droit à cette requête, le scout étala une carte assez grossière de la région. Voici d'abord, dit-il, le lac Lindemann qui s'étend au pied du Chilkoot et que nous aurons à traverser dans toute sa longueur. La traversée est longue? Demanda Sam Eskim. Non, répondit le scout, quand sa surface est uniformément solidifiée ou lorsqu'elle est entièrement libre de glace. Et ensuite, dit Ben Radle, ensuite, nous aurons un portage d'une demi-lieue pour conduire notre bateau et nos bagages jusqu'à la station du lac Bennett. Là encore, la durée du trajet dépend de la température, et vous avez déjà vu combien elle peut varier d'un jour à l'autre. En effet, continua Ben Radle, des différences de 20 à 25 degrés, selon que le vent souffle du nord ou du sud. En somme, ajouta Bill Stell, il nous faut ou le dégel qui permet la navigation, ou un froid sec qui durcit la neige sur laquelle on peut alors faire glisser le bateau comme un traîneau. Enfin, dit Sumiskim, nous voici arrivés sur le lac Bennett. Il s'étend, expliqua le scout, sur une douzaine de lieues, mais il ne faut pas compter moins de 3 jours pour sa traversée, en raison des relâches qui sont nécessaires. Au-delà, dit Sumiskim, en consultant la carte, il y a un portage? Non, c'est le rio du Caribou, long d'une lieue, qui met le lac Bennett en communication avec le lac Tagish, lequel se développe sur 7 à 8 lieues et donne dans le lac Marsh d'une dimension à peu près égale. En quittant ce lac, il faut suivre les détours d'une rivière pendant une dizaine de lieues, et c'est sur son parcours qu'on rencontre les rapides de Whitehorse, assez difficiles et parfois très dangereux à franchir. Puis on attend le confluent de la rivière Takena, à la tête du lac Labarge. C'est dans cette partie du trajet que peuvent se produire les plus grands retards, quand il s'agit de s'engager à travers les rapides de Whitehorse. Je me suis déjà vu arrêter toute une semaine en amont du lac Labarge. « Et ce lac, demanda Ben Radle, est-il navigable ?»« Parfaitement, sur les 13 lieues, répondit Bill Stell. En somme, observa Ben Radle, sauf pendant quelques portages, notre bateau va nous conduire jusqu'à Dawson City. »« Directement, monsieur Radle, répondit Bill Stell. Et à tout prendre, c'est encore par eau que le voyage est le plus facile. »« Et tant par la rivière Lewis que par le Yukon ?» demanda Ben Radle. « Quelle est la distance qui sépare le lac Labarge du Klondike ?»« 150 lieues environ, en tenant compte des détours. » « Je vois, » déclara Sumiskim, « que nous ne sommes pas encore arrivés. »« Assurément, » répondit le scout. « Lorsque nous aurons atteint la Lewis, à l'extrémité nord du lac Labarge, nous serons tout juste à mi-route. »« Eh bien, » conclut Sumiskim, « en prévision de ce long voyage, prenons des forces. »« Et puisque nous avons l'occasion de passer une bonne nuit à la station du lac Lindemann, allons dormir. » Ce fut en effet une des meilleures nuits que les deux cousins eussent passées depuis leur départ de Vancouver. Les poêles, largement alimentés, maintenaient une haute température dans cette maisonnette bien abritée et bien close. Il était 9 heures lorsque le signal du départ fut donné le lendemain 1er mai. La plupart des hommes qui avaient accompagné le scout depuis Skagway devaient le suivre jusqu'au Klondike. Leur service serait très utile pour la conduite du bateau transformé en traîneau, en attendant qu'il pût naviguer sous les lacs et descendre le cours de la Lewis et du Yukon. Quant aux chiens, ils appartenaient à la race du pays. Ces animaux, remarquablement acclimatés, ont les pattes dépourvues de poils, ce qui les rend plus aptes à courir sur la neige sans risquer de s'y entraver. Mais, de ce qu'ils étaient acclimatés, il ne faudrait pas conclure qu'ils ne fussent pas restés sauvages. En vérité, ils paraissaient l'être tout autant que des loups ou des renards. Aussi, n'est-ce pas précisément en employant les caresses et les sucreries que leurs conducteurs parviennent à s'en faire obéir. Parmi le personnel de Bill Stell se trouvait à présent un pilote auquel serait réservée la direction du bateau en cours de navigation. C'était un Indien du Klondike, nommé Neluto, employé depuis 9 ans par le scout. Très au courant de son métier, connaissant bien les difficultés de toutes sortes qu'offre la traversée des lacs, des rapides et des rivières, on pouvait se fier à son habileté. Avant d'être engagé dans le personnel du scout, Neluto avait été au service de la compagnie de la baie de Hudson, et il avait longtemps guidé les chasseurs de fourrures à travers ces vastes territoires. Il connaissait parfaitement le pays, qu'il avait parcouru dans tous les sens, et même la région au-delà de Dawson City jusqu'à la limite du cercle polaire. Neluto savait assez d'anglais pour comprendre et être compris. Du reste, en dehors des choses de son métier, il ne parlait guère, et comme on dit, il fallait lui tirer les mots du gosier. Cependant, cet homme, très accoutumé au climat du Klondike, pouvait sans doute être questionné avec profit. Aussi Ben Radle crut-il devoir lui demander ce qu'il augurait du temps et s'il croyait que la débâcle des lacs fût prochaine. Neluto déclara qu'à son avis, il n'y avait pas lieu de prévoir la fonte des neiges ni la débâcle des glaces avant une 15 jours, à moins qu'il ne se produisît un brusque changement dans l'état atmosphérique, ce qui n'est pas rare sous ces latitudes élevées. Ben Radle pensa ce qu'il eût plu de ce renseignement un peu vague. Il dut, en tout cas, renoncer à tirer autre chose d'un homme décidé à ne pas se compromettre. Si l'avenir demeurait incertain, aucune hésitation, du moins, n'était permise pour le présent. Ce ne serait pas une navigation, mais un traînage qu'allait s'effectuer à la surface du lac Lindemann. Jane et Edith pourraient néanmoins trouver place dans le bateau qui glisserait sur l'un de ses flancs et que les hommes suivraient à pied. Le temps était calme. L'âpre brise de la journée précédente avait molli et tendait à retomber vers le sud. Cependant, le froid était vif, une douzaine de degrés sous zéro, circonstance favorable et très propice à la marche que rendent si pénibles les tourmentes de la neige. Le lac Lindemann, traversé vers 11 heures, une heure suffit à franchir les 2 kilomètres qui le séparent du lac Bennett, et à midi sonnant, le scout et sa caravane faisaient halte à la station qui s'élève à son extrémité méridionale. À cette station du lac Bennett, l'encombrement était aussi considérable qu'au ship camp de la base de Chilkoot. Plusieurs milliers d'émigrants l'occupaient en attendant l'occasion de poursuivre leur route. De toutes parts étaient dressées des tentes que cabanes et maisons ne tarderont pas à remplacer si l'exode vers le Klondike continue quelques années encore. Déjà, en cet embryon de village, qui deviendra peut-être bourgade et ville, on trouvait des auberges qui pourront devenir des hôtels, des scieries et des chantiers de construction navale, disséminés sur les rives du lac, sans parler d'un poste de policeman dont les fonctions ne laissent pas d'être fort dangereuses au milieu de ces aventuriers lâchés à travers la région. L'Indienne et Luto avaient sagement fait de donner à la manière normande ses prévisions du temps. Au commencement de l'après-midi, un brusque changement se produisit dans l'état atmosphérique. Le vent passa franchement au sud et le thermomètre remonta à 0 degré centigrade. C'était là des symptômes auxquels on ne pouvait se méprendre. Il y avait lieu de croire que la saison froide touchait à sa fin et que la débâcle rendrait bientôt libre la surface des cours d'eau et des lacs. Déjà, le lac Bennett n'était plus pris sur toute son étendue. Entre les ice fields ou champs de glace sinuaient des passes praticables pour un bateau à la condition d'allonger le parcours. Vers la fin du jour, la température remonta encore. Le dégel s'accentua. Quelques glaçons commencèrent à se détacher des rives et à s'éloigner vers le nord. Donc, à moins d'une vive reprise du froid pendant la nuit, on atteindrait l'extrémité septentrionale du lac sans trop de difficultés. Le thermomètre ne baissa pas pendant la nuit, et au lever du jour, le 2 mai, Bilstel constata que la navigation pourrait s'opérer dans des conditions assez favorables. La brise, qui soufflait du sud, permettrait, si elle persistait, d'employer la voile vent arrière. Lorsque, dès l'aube, le scout avait voulu embarquer dans le bateau les bagages et les provisions, il avait constaté que la besogne était faite. Dès la veille, Edith et Jane s'en étaient chargés. Sous leur direction, tout avait été arrimé avec une perfection que le scout n'eût certainement pas atteinte. Le moindre coin était employé et tous les colis, du plus gros au plus petit, s'alignaient en ordre merveilleux, agréable à voir, facile à retirer. Quand les deux cousins l'eurent rejoint sur la rive, il leur fit part de la surprise qu'il avait éprouvée. « Oui, répondit Ben Radle, elles sont étonnantes, toutes les deux. L'activité, la perpétuelle bonne humeur de Miss Jane, l'invincible et douce fermeté de Miss Edith ont quelque chose de surprenant, et je commence à craindre d'avoir réellement fait une bonne affaire. « Quelle affaire ?» demanda Bilstel. « Vous ne comprendriez pas. « Mais dites-moi, Scout, reprit Ben Radle, que pensez-vous du temps? En avons-nous fini avec l'hiver ?»« Je ne voudrais pas me prononcer d'une manière absolue, » répondit le Scout. « Il semble pourtant bien que les lacs et les rivières ne tarderont pas à se dégager. D'ailleurs, en suivant les passes, dussions-nous allonger la route, notre bateau n'aura point quitté son élément naturel, » acheva Sameskim. « C'est au mieux. »« Qu'en pense Neluto ?» demanda Ben Radle. « Neluto pense, » déclara sentencieusement l'Indien, « qu'il n'y a pas à craindre que le dégel s'arrête si le thermomètre ne baisse pas. »« Fort bien, » approuva Ben Radle en riant. « Vous ne risquez pas de vous compromettre, mon garçon. » Mais les glaces en dérive ne sont-elles pas à redouter? Oh, le bateau est solide, affirma Bilstel. Il a déjà fait ses preuves en naviguant au milieu de la débâcle. Ben se retourna vers l'Indien. Voyons, Neluto, ne voulez-vous pas me donner plus clairement votre opinion? Voici 2 jours que les premières glaces se sont mises en mouvement, répondit le pilote. Preuve que le haut lac doit être dégagé. Ah ah, fit Ben d'un air satisfait. Voilà enfin une opinion. Et la brise, pilote, qu'en pensez-vous? « Elle s'est levée 2 heures avant le jour et nous est favorable. »« C'est un fait, cela, pilote, mais tiendra-t-elle ?» Neluto se retourna et parcourut du regard l'horizon du sud que fermait le massif du Chilkoot. À peine si de légères brumes glissaient sous le flanc de la montagne. Après avoir tendu la main dans cette direction, le pilote répondit « Je crois que la brise tiendra jusqu'au soir, monsieur. »« All right. »« À moins qu'elle ne change d'ici là ?» acheva Neluto avec le plus grand sérieux. « Merci, pilote, » dit Ben vexé. « Me voici parfaitement fixé. » Le bateau du scout était une sorte de chaloupe, ou plutôt une barque longue de 35 pieds. Un taude en occupait l'arrière. sous lequel deux ou trois personnes pouvaient s'abriter, soit la nuit, soit le jour, lors des bourrasques de neige et des rafales de pluie. Cette embarcation à fond plat, et par conséquent tirant le moins d'eau possible, était large de 6 pieds, ce qui lui permettait de porter une assez grande surface de toile. Taillée comme la misaine des chaloupes de pêche, la voile s'amarrait à la pointe de l'avant et se hissait à l'extrémité d'un matereau d'une 15aine de pieds. En cas de mauvais temps, il était facile de dégager ce matereau de son emplanture et de le coucher sur les bancs. Une telle embarcation n'eût pu tenir le plus près, mais avec du large, elle gagnait encore. Quand les sinuosités des passes entre les champs de glace contraignaient le pilote à prendre vent debout, on serrait la voile et l'on bordait les avirons, qui, maniés par les bras robustes de 4 Canadiens, permettaient d'atteindre une allure plus favorable. La surface du lac Bennett n'était pas considérable. On ne saurait le comparer à ces vastes mers intérieures du nord de l'Amérique où les tempêtes se déchaînent avec violence. Nul doute que ne fussent suffisantes, pour une telle traversée, les provisions emportées par le scout. Viande conservée, biscuits, thé, café, un tonnelet d'eau-de-vie, plus une réserve de charbon pour le fourneau. D'ailleurs, on comptait sur la pêche, car le poisson abonde dans ces eaux, et aussi le gibier, perdrix ou gélinotte, qui fréquente les rives du lac. Le pilote Nelluto à la barre, derrière le Todd sous lequel Edith et Jane avaient pris place, semait Skim et Ben Radle à côté en abord auprès de Bill Stell, les 4 hommes placés à l'avant écartant les glaçons avec leurs gaffes, le bateau, à 8 heures, délaissa la rive. La navigation était rendue assez délicate par le grand nombre d'embarcations engagées dans les passes. Afin de profiter de la débâcle et du vent favorable, plusieurs centaines de bateaux avaient quitté la station du lac Bennett. Au milieu de cette flottille, il était parfois malaisé d'éviter les abordages. Et alors, quelles vociférations, quelles injures, quelles menaces éclataient de toutes parts, sans parler des coups échangés. Dans l'après-midi, on croisa une embarcation de la police. L'occasion d'intervenir n'était que trop souvent offerte aux hommes qui la montaient. Le chef de cette escouade de policemen connaissait le scout et l'interpella au passage. « Salut, scout. Toujours des émigrants qui nous arrivent de Skagway pour le Klondike ?»« Oui, » répondit le Canadien, « plus qu'il n'en faut. »« Et plus qu'il n'en reviendra. »« C'est sûr. À combien estime-t-on ceux qui ont traversé le lac Bennett ?»« 15 000 environ. »« Et ce n'est pas fini. »« Loin de là. » »« Sait-on si la débâcle se fait en aval ?» On le dit. Vous pourrez donc atteindre le Yukon en naviguant. Oui, si le froid ne reprend pas, on peut l'espérer. Oui, merci. Bon voyage. Le temps étant au calme, la marche du bateau s'en ressentait. Après avoir relâché pendant 2 nuits, il ne vint s'arrêter près de l'extrémité du lac Bennett que dans l'après-midi du 4 mai. En cet endroit se détache du lac la petite rivière, ou plutôt le canal du Caribou, qui à moins d'une lieue de là va déboucher dans le lac Tagish. Le départ ne devant s'effectuer que le lendemain après la halte de nuit, Semeskim voulut mettre à profit les dernières heures de jour pour aller tirer quelques gibiers dans les plaines du voisinage. À peine eut-il fait connaître son intention qu'à sa grande surprise et à sa satisfaction plus grande encore, Jane Edgerton déclara qu'elle l'accompagnerait. En vérité, son entreprise devait paraître de moins en moins folle à ses compagnons de voyage. Elle était armée pour la vie, cette jeune fille. Si Semeskim était un merveilleux chasseur, elle ne se montra guère moins adroite, et bientôt tous deux rapportaient le produit de leur chasse commune, soit 3 couples de perdrix de savane et 4 gélinottes au plumage d'un ver pâle. Edith, pendant ce temps, avait préparé un feu de bois sec sur la rive et le gibier, rôti devant une flamme pétillante, fut déclaré excellent. Le lac Tagish, long de 7 lieues et demie, est relié au lac Marsh par une étroite coupée que la débâcle, lorsque la caravane y parvint le 6 mai, avait obstrué la nuit précédente sur une étendue d'une demi-lieue. Force fut donc de traîner le bateau, après avoir loué un attelage de mules. La navigation put ainsi être reprise dans la matinée du 7 mai. 48 heures allaient être nécessaires pour traverser le lac Marsh dans toute sa longueur, bien qu'elle ne dépasse pas 7 à 8 lieues. Le vent avait allé le nord, et avec les avirons, on ne devait pas compter sur une marche rapide. Fort heureusement, la flottille des bateaux paraissait moins serrée que sur le lac Bennett, un certain nombre d'embarcations étant peu à peu restées en arrière, et la halte put être rétablie à l'extrémité du lac le 8 mai, avant le coucher du soleil. Si je ne me trompe, scout, dit Ben Radle après le repas du soir, nous n'avons plus qu'un lac à franchir, le dernier de la région. Oui, monsieur Radle, répondit Bill Stell, le lac Labarge. Mais, auparavant, il nous faudra suivre la Lewis River, et c'est dans cette partie du voyage que les embarras sont les plus grands. Nous avons franchi les rapides Whitehorse, où plus d'une embarcation s'est perdue corps et bien. Ces rapides constituent en effet le plus sérieux danger pour la navigation entre Skagway et Dawson City. Ils occupent 3,5 km des 85 qui séparent le lac Marge du lac Labarge. Sur cette courte distance, la différence de niveau n'est pas inférieure à 32 pieds, et le cours de la rivière est encombré de récifs contre lesquels les embarcations risquent fort de se briser. « On ne peut donc suivre les berges ?» demanda Sam Eskim. « Elles sont impraticables, » répondit le scout, « mais on construit un tramway qui transportera les bateaux tout chargés en aval des rapides. »« Si l'on construit ce tramway, » reprit Sam Eskim, « c'est qu'il n'est pas encore terminé, scout ?»« En effet, monsieur, bien que des centaines d'ouvriers y travaillent. » Alors nous n'avons pas à nous en occuper. Vous verrez même, mon brave Bill, qu'il ne sera pas achevé à notre retour. À moins que vous ne restiez au Klondike plus longtemps que vous ne le pensez, répondit Bill Stell. On sait bien quand on va au Klondike, on ne sait pas quand on en revient. Ni même si on en revient, approuva Sam Eskim avec conviction. Ce fut dans l'après-midi du lendemain, 9 mai, que le bateau, en descendant la rivière, atteignit les rapides de Whitehorse. Il n'était pas seul à s'aventurer dans cette dangereuse passe. D'autres embarcations le suivaient, et combien de celles qui se présentaient ainsi en amont ne se retrouveraient plus en aval. On comprendra aisément que les pilotes affectés au service des Whitehorse exigent un prix élevé. Ces 3 km leur rapportent 150 francs par voyage. Aussi ne songent-ils guère à abandonner ce lucratif métier pour celui plus aléatoire de prospecteur. En cet endroit, la vitesse du courant est de 5 lieues à l'heure. Il ne faudrait donc un temps très court pour descendre les 3 km des rapides, s'il n'était obligé à tant de détours entre les roches de basalte capricieusement semées entre les deux rives, ou pour éviter les glaçons, écueils mouvants dont le choc fracasserait la plus solide embarcation, que la durée du trajet en est extrêmement augmentée. À plusieurs reprises, le bateau, appuyé sur les avirons, dut virer bout pour bout sous la menace d'un abordage, soit avec un glaçon, soit avec un canot, et l'habileté de Nelluto le tira de plus d'un mauvais pas. Le dernier saut de ces rapides est le plus dangereux, et c'est là que se produisent de nombreuses catastrophes. Il importe de bien se tenir au banc, si l'on ne doit pas être jeté par-dessus bord. Mais Nelluto avait l'œil juste, la main sûre, un imperturbable sang-froid, et s'il ne put se garer de quelques paquets d'eau, que l'on eût vite fait de rejeter à la rivière, le passage redoutable fut néanmoins franchi sans dommage. « Et maintenant, s'écria Sam Eskim, le plus fort a-t-il fait, Bill ?»« Ce n'est pas douteux, » répondit Ben Radle. « En effet, messieurs, » déclare le scout, « il ne reste plus que le lac Labarge à traverser, et la Lewis à suivre pendant 160 lieues environ. »« 160 lieues, » répéta Sam Eskim en riant, « autant dire que nous sommes arrivés. » Bill Stell, d'accord avec Nelluto, décida de faire une halte de 24 heures à la station du lac Labarge qu'on atteignit dans la soirée du 10 mai. Le vent soufflait du nord avec violence. À peine si le bateau, même à force d'aviron, eût pu gagner le large, et le pilote tenait d'autant moins à tenter la traversée dans ces conditions que l'abaissement de la température lui faisait craindre un embâcle qui eût emprisonné la caravane au milieu du lac solidifié. Cette station, créée sur le même modèle et pour les mêmes besoins que celle du lac Lindemann et du lac Bennett, comprenait déjà une centaine de maisons et de cabanes. Dans l'une de ces maisons, décorée du nom d'hôtel, les voyageurs eurent la chance de trouver des chambres libres. Le lac Labarge, long de 50 km environ, se compose de deux parties qui se coudent au point même où naît la rivière Lewis. Démarré dans la matinée du 12 mai, le bateau dut employer 36 heures à traverser cette première partie du lac. Ce fut donc dans l'après-midi du 13 mai, vers 5 heures, que le scout et ses compagnons, après avoir essuyé force rafale, atteignirent le cours de la Lewis, qui oblique au nord-est, en gagnant vers Fort Selkirk. Dès le lendemain, le bateau s'y engageait au milieu de la débâcle. Vers 5 heures, le scout donna l'ordre d'accoster la rivière droite, près de laquelle il comptait passer la nuit. Jane et Sammy débarquèrent. Des détonations retentirent bientôt, et quelques couples de canards et de gelinottes permirent d'économiser les conserves au souper. Du reste, si halte de nuit que s'imposait Bill Stell, les autres embarcations qui descendaient le cours de la Lewis se les imposaient aussi, et nombre de feux de campement s'allumaient sur les rives. À partir de ce jour, la question du dégel parut être entièrement résolue. Sous l'influence des vents du sud, le thermomètre se tenait à 5 ou 6 degrés au-dessus de zéro. Il n'y avait donc plus à craindre que la rivière vînt à se prendre. La nuit, aucune attaque de fauves n'était à redouter. On ne signalait pas la présence d'ours dans les environs de l'Alaouès, et Sam Eskim, à son vif regret peut-être, n'eut pas l'occasion d'abattre l'un de ces formidables plantigrades. En revanche, il fallait se défendre contre des myriades de moustiques, et c'est à peine si l'on parvenait à éviter leurs morsures aussi douloureuses qu'agaçantes, en alimentant les feux toute la nuit. Après avoir descendu l'Alaouès pendant une cinquantaine de kilomètres, le scout et ses compagnons, dans l'après-midi du 15 mai, aperçurent le confluent du rio Otalinka, puis, le lendemain, celui du Big Salmon, deux tributaires de l'Alaouès. Il eut lieu de remarquer combien les eaux bleues de la rivière s'altérèrent au mélange de ses affluents. Le jour suivant, le bateau passait devant l'embouchure du rio Walsh, maintenant délaissé par les mineurs. Puis ce fut le Cassiar, banc de sable qui émerge aux basses eaux, sur lequel quelques prospecteurs récoltèrent en un mois pour 30 000 francs d'or. Le voyage se continuait avec des alternatives de bon et de mauvais temps. Le bateau marchait tantôt à l'aviron, tantôt à la voile, et parfois même allait à la cordelle dans les passages très sinueux. Le 25 mai, la plus grande partie de l'Alaouès, qui allait bientôt devenir le Yukon, avait été descendue dans des conditions favorables lorsque le scout vint s'établir au camp de Turenne, qui occupe une falaise toute semée à ce moment des premières fleurs, anémones, crocus et genièvres parfumées. De nombreux émigrants y avaient dressé leurs tentes. Le bateau nécessitant quelques réparations, on y resta 24 heures, et Sam Eskim put se livrer à son exercice favori. Pendant les 2 jours qui suivirent, grâce à un courant de 4 nœuds à l'heure, le bateau descendit assez rapidement la rivière. Le 28 mai, dans l'après-midi, après avoir dépassé le labyrinthe des îles Miarsol, il se rapprocha de la rive gauche et vint s'amarrer au pied de Fort Selkirk. Ce fort, bâti en 1848 pour le service des agents de la baie de Hudson, puis démoli par les Indiens en 1852, n'est plus actuellement qu'un bazar assez bien approvisionné. Entouré de huttes et de tentes d'émigrants, il commande le cours de la grande artère, qui à partir de là porte plus spécialement le nom de Yukon, alors grossi des eaux du Pelly, son principal tributaire de la rive droite. À des prix excessifs, il est vrai, le scout trouva tout ce qu'il voulut à Fort Selkirk, et après une relâche de 24 heures, dans la matinée du 30 mai, le bateau s'abandonna de nouveau au courant. On passa, sans s'y arrêter, devant le confluent de la rivière Stuart, qui commençait à attirer les chercheurs d'or. Déjà, les claims pullulaient sur son cours de 300 kilomètres. Puis, le bateau stationna pendant une demi-journée à Ogilvie, sur la rive droite du Yukon. En aval, le fleuve s'élargissait de plus en plus et les embarcations pouvaient circuler sans peine au milieu des nombreux glaçons qui dérivaient dans la direction du nord. Après avoir laissé en arrière les embouchures de l'Indian River et du 60 Miles Creek, qui s'ouvrent face à face à 48 kilomètres de Dawson City, le scout et ses compagnons, dans l'après-midi du 3 juin, mirent enfin le pied dans la capitale du Klondike. À l'instant précis où les voyageurs débarquaient, Jane s'approcha de Ben Radle et lui tendit un feuillet déchiré de son carnet sur lequel elle venait tout en marchant d'écrire quelques mots. « Permettez-moi, Monsieur Radle, de vous donner reçu. » Ben prit le papier et lut. « Reçu de Monsieur Ben Radle un voyage confortable de Skagway à Dawson, conformément aux termes de notre contrat, dont quittance. » Suivait la signature. « C'est en règle, » fit Ben avec flegme, en mettant le papier dans sa poche le plus sérieusement du monde. « Permettez-moi aussi, messieurs, » reprit Jane en s'adressant cette fois aux deux cousins, « d'ajouter à ce reçu les remerciements d'Edith. » Et les miens pour la sympathie que vous nous avez témoignée, et que j'espère être à même de reconnaître comme il convient. » Sans un mot de plus, Jane serra la main à Ben Radle. Mais quand ce fut le tour de Sammy, celui-ci, sans chercher à dissimuler son émotion, retint dans les siennes la petite main qui lui était offerte. « Voyons, voyons, mademoiselle Jane, » dit Sammy, la tête un peu perdue, « vous allez réellement nous quitter. »« En douteriez-vous ? » répondit Jane avec surprise. « Cela n'a-t-il pas toujours été convenu ?» « Oui, oui, » conseilla Sammy. « Du moins, on se reverra, j'imagine ?»« Je l'espère, Monsieur Skim. Mais cela ne dépend pas de moi. Tout dépend désormais des hasards de la prospection. »« La prospection ?» s'écria Sammy. « Et quoi, mademoiselle Jane ? Toujours cette folle idée ?» D'un mouvement sec, Jane dégagea sa main prisonnière. « Je ne vois pas ce que mon projet a de fou, Monsieur Skim, » dit-elle d'un ton piqué. « Vous devriez penser que je ne suis pas venu jusqu'à Dawson pour changer subitement d'avis, à la manière d'une girouette qui tourne à tous les vents. » D'autant plus que j'ai pris maintenant des engagements auxquels j'entends faire honneur, ajouta-t-elle en se tournant vers Ben Radle. Sam Eskim avait-il la fibre du pitoyable particulièrement développée ? Le certain, c'est qu'il éprouvait sans l'analyser autrement, un vif et profond chagrin. « Évidemment, évidemment » balbutia-t-il sans conviction pendant que les deux cousines s'éloignaient d'un pas décidé vers l'hôpital de Dawson.